السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذه المجالس في شرح 40 حديثا في حقوق رب العالمين باللغة الفرنسية، فأعتذر للذين لا يفهمون اللغة الفرنسية، ولكن الآن سنشرع بالتحدث باللغة الفرنسية. دونك الحمد لله، on remercie Allah encore une fois et on ne le remerciera jamais assez, subhanahu wa ta'ala, pour tous les bienfaits dont il nous a comblés. Et le meilleur bienfait dont il nous a comblés est sa religion. Et sa religion, elle a été transmise dans ce type d'assises, dans des cercles comme les cercles d'aujourd'hui. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord dans la maison de Arqam ibn Arqam, ibn Abi al-Arqam, puis après cela dans sa mosquée à Médine, dans les assises de science, puis ses compagnons qui ont pris la science de lui dans les assises de science, un héritage qui a été transmis depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nous aujourd'hui dans ce type d'assises, dans les mosquées, dans les maisons d'Allah. Nous continuons donc cette série de lecture des hadiths, de 40 hadiths concernant les droits du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Nous en sommes arrivés au 17e hadith. الحديث السابع عشر عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أو صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكواكب. والحديث متفق عليه. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قلت le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous dirigea la prière du Fajr à Al-Hudaybiyyah après une nuit pluvieuse. Après qu'il eut terminé la prière, il se tourna vers les gens et dit, savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils répondirent, Allah et son messager le savent mieux, sont plus savants. Il dit alors, ce matin, certains de mes serviteurs se sont réveillés croyants en moi et d'autres mécréants. Celui qui a dit la pluie provient de la grâce d'Allah et de la miséricorde d'Allah a cru en moi et a mécru aux étoiles, aux astres. Et celui qui a dit la pluie est due à telle ou telle étoile aura mécru en moi et aura cru dans les étoiles et les astres. Zayd ibn Khalid al-Juhani al-Madani était un compagnon bien connu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il raconte cette histoire, il relate cette histoire, que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière du Fajr al-Hudaybiyya, c'était un lieu proche de la Mecque, nommé ainsi, et était proche de la Mecque. Aujourd'hui, ce lieu est connu sous le nom de Al-Shimisi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir présidé cette prière, leur a posé une question pour attirer leur curiosité, attiser leur curiosité et attirer leur attention. Et il leur a demandé, savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Pour attirer leur attention. Et cette nuit-là, il avait plu. Cette nuit-là, il avait plu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu attirer leur attention sur le fait que les Arabes avaient l'habitude d'attribuer la pluie aux astres, c'est-à-dire que par la cause de ces astres, il pleuvait. Il ne disait pas que c'est les astres qui donnent la pluie, mais par la cause de ces astres. Et déjà ceci est contradictoire à une bonne croyance, car c'est une croyance qui n'a pas de preuve. Et attribuer des fausses causes dans l'invisible, dans l'imperceptible, en déduisant des résultantes ou des résultats, fait déjà partie du polythéisme mineur. Par contre, si la personne croit que c'est les astres qui agissent sur l'univers pour faire pleuvoir, dans ce cas-là, c'est de la mécréance majeure et du polythéisme et de l'associatrie majeure. Donc, la parole, là, seulement la parole d'avoir dit « il a plu par la cause de tel et tel astre », c'est suffisant pour être de la mécréance mineure. Si par contre il croit que cet astre a fait pleuvoir de lui-même sans la volonté d'Allah, ou qu'il agit sur l'univers, dans ce cas-là, c'est de la mécréance majeure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, pour leur enseigner des paroles qui sont contradictoires au monothéisme pur. Ceci montre encore l'attention particulière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait au tawhid, au monothéisme, et qu'il faisait tous ses efforts pour enseigner aux compagnons tout ce qui était contraire au tawhid, qu'il soit contraire complètement ou même partiellement ou même en partie. Tout ce qui peut annuler le tawhid ou diminuer même le tawhid ou aller à l'encontre de ce qui est obligatoire comme minimum obligatoire du tawhid. On voit dans ce hadith qu'il est interdit, d'attribuer la pluie aux étoiles et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé cela mécréance. Allah Ta'ala a nommé cela mécréance, car c'est un hadith Qudsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah a dit. Il a dit, Allah a dit. Certains de mes serviteurs se sont réveillés croyant en moi et mécréant aux étoiles, et d'autres croyant dans les étoiles et mécréant en moi. On peut tirer de ce hadith la recommandation d'instruire les gens et d'attirer leur attention sur les points qui peuvent affecter leur foi ou leur croyance. On tire de ce hadith l'obligation d'exprimer sa gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés, et l'interdiction d'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah, et l'interdiction d'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, dans plusieurs situations, utilise cette pédagogie du questionnement, de questionner les compagnons pour qu'ils soient attentifs à la réponse qu'il va leur donner. Donc c'est une méthode pédagogique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait de temps à autre, et il utilisait aussi d'autres méthodes d'enseignement sallallahu alayhi wa sallam. On tire aussi de ce hadith que quand on est questionné sur une chose que l'on ne connaît pas, on ne doit pas répondre. Et on doit diriger les gens vers les personnes qui sont capables de répondre. D'où est-ce qu'on tire ça de ce hadith? Qui peut me répondre? De quelle phrase du hadith on tire cela? Oui? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé « Savez-vous ce que votre Seigneur a dit ?» et qu'ils ont répondu « Allah et son messager sont plus savants. » Allah et son messager sont plus savants. Et ceci est le comportement du musulman, de ne pas répondre, de ne pas parler sans science. Dans tous les domaines de la vie, s'il a une science certaine d'un domaine, il parle, il en fait profiter les gens. S'il ne connaît pas, il se tait. Il dirige les gens vers les personnes qui connaissent ce domaine. Et encore plus dans le domaine de la religion. Encore plus. Si dans les domaines mondains, on doit prêter attention à ne pas parler sans science, encore plus dans le domaine de la religion. Pourquoi encore plus dans le domaine de la religion? Parce que c'est un domaine sacré. C'est un domaine qui est la cause de diriger les gens vers le paradis ou l'enfer, vers le licite et l'illicite. C'est un domaine où la personne se permet de parler au nom d'Allah. Quand quelqu'un dit c'est halal, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah a autorisé cette chose. Quand quelqu'un dit c'est haram, cela veut dire quoi? Allah a interdit cette chose. Donc tu parles au nom d'Allah. Attention à ce que tu dis. Si tu mens sur Allah, mentir sur Allah, c'est pas comme mentir sur quelqu'un d'autre. C'est très grave. C'est un des plus grands péchés, mentir sur Allah. D'ailleurs, comme a dit Ibn al-Qayyim, mentir sur Allah, cela peut être pire que le polythéisme, que l'associatrie. Quelqu'un peut dire comment? Vous vous posez la question, n'est-ce pas? Comment mentir sur Allah, cela peut être pire que l'associatrie ou le polythéisme? Allez, qui peut me répondre? Oui, il y a un verset où Allah Ta'ala, il cite « Mentir sur Allah, plus grave que le polythéisme. » Mais l'explication de cela, l'explication. Car si les gens ne mentaient pas sur Allah, personne n'associerait à Allah. Les gens qui ont associé à Allah, c'est pourquoi? Parce que certains ont menti en disant « Si tu fais telle chose, tu vas t'approcher d'Allah. Si tu adores le saint, tu vas t'approcher d'Allah. Si tu fais tel ou tel acte, tu vas t'approcher d'Allah. Si tu fais tel ou tel acte, tu vas gagner le paradis. Tes péchés seront pardonnés. Si tu fais tel ou tel acte, tes problèmes seront résolus. Si tu sacrifies une bête pour tel saint, tes problèmes seront résolus, n'est-ce pas? » Donc il a fallu que certaines personnes mentent sur Allah pour que d'autres personnes tombent dans le polythéisme. Donc mentir sur Allah est la cause du polythéisme, est la cause de l'associatrie. Voilà pourquoi il peut être plus grave. Car il est la cause par laquelle, pour la, à cause de laquelle, les gens ont donné des associés à Allah dans leur adoration. Donc si on comprend cela, on comprend la gravité de parler sur la religion d'Allah et de mentir sur Allah en disant halal ou haram. D'ailleurs, Allah Ta'ala a interdit ça dans le Coran al-Karim, dans plusieurs versets. De ne pas dire ceci est halal ou haram en mentant sur Allah. Aussi, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a nommé un livre, le titre du livre, il a nommé I'lam al-Muwaqqi'in al-Rabbil Alamin. Il a nommé les savants dans ce livre qui parle des fondements de la jurisprudence, entre autres. Il a nommé les savants comme les signataires au nom d'Allah. Voilà la description qu'il a donnée aux gens de science. Signataire au nom d'Allah. Parce qu'effectivement, quand un savant te dit que ceci est haram, c'est comme si il était signataire au nom d'Allah. Allah t'a dit cette chose est haram. Car il n'appartient pas à un homme de dire halal ou haram. C'est Allah seul qui détermine ce qui est licite et illicite. Personne à part Allah ne peut déterminer cela. Donc, on revient à cela. Quand on ne connaît pas une chose, même dans les choses de la vie, on ne répond pas. On dirige les gens vers la personne qui connaît. Et encore plus dans les points de la religion, car sinon cela reviendrait à mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, ou mentir sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui ment sur moi sciemment, qu'il prépare sa place en enfer. On voit dans ce hadith aussi que la grâce et la miséricorde font partie des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il est dit dans le hadith, مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. Nous avons eu de la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde. On tire aussi de ce hadith que ce n'est pas toute mécréance qui fait sortir de l'islam. Que la mécréance a des degrés. Et il y a une mécréance majeure qui fait sortir du cercle de l'islam. Et il y a une mécréance mineure qui est un grave péché, mais qui ne fait pas sortir du cercle de l'islam. De même, le polythéisme ou l'associatrie. Elle peut être majeure ou mineure. Même l'hypocrisie al-nifaq, il peut être majeur et mineur. L'hypocrisie majeure, c'est quoi? Voilà. C'est-à-dire, il montre l'islam en apparence, mais il cache la mécréance. C'est-à-dire, il ne croit en rien de l'islam. Juste, il se montre avec les musulmans, il prie avec eux, il ne croit en rien de tout cela. Ça, c'est l'hypocrisie majeure. Et l'hypocrisie mineure, c'est un musulman qui fait certains actes parmi les actes des hypocrites. Quand il parle, il ment. Ça, c'est un acte parmi les actes des hypocrites. Quand il donne une promesse, il ne la respecte pas. Quand il est en querelle, il dépasse toute limite. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques parmi les caractéristiques des hypocrites, de l'hypocrisie. Il ne convient pas à un musulman d'avoir ces caractéristiques-là, ces défauts. Il doit s'en débarrasser. Car ce sont des défauts et des caractéristiques, des traits de caractère des hypocrites, et non pas d'un bon musulman. Le prochain hadith, الحديث الثامن عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أخرجه مسلم. بحديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه qui est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il ait entré en islam tardivement, mais comment il a rattrapé les autres? Car certains compagnons, tellement Abu Huraira radiallahu anhu rapportait des hadiths, ou certains tabi'in, disaient Abu Huraira a dit, Abu Huraira a dit. Et Abu Huraira, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il a dit, pendant que vous étiez dans vos commerces, et occupé dans votre dunya, moi je supportais la faim et je restais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi je rapporte autant de hadith. Il y a une différence entre une personne qui reste 20 heures avec quelqu'un et une autre personne qui vient rester une heure ou deux heures avec lui. Celui qui reste 20 heures par jour avec lui, ou 18 heures ou 14 heures, il a beaucoup plus de choses à rapporter sur sa vie que la personne qui passe une heure ou une demi-heure avec lui. Quelqu'un qui, sur deux ans, il passe 20 heures de temps, ou 17 heures de temps, ou 14 heures de temps avec une personne, il peut rapporter beaucoup plus de choses qu'une personne qui la connaît depuis 15 ans ou 20 ans, mais qui passe qu'une demi-heure avec lui par jour. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Abu Huraira radiallahu anhu est le plus grand rapporteur de hadith de cette communauté. Il a sacrifié sur son confort. Tellement ils avaient faim, ils se roulaient par terre de faim, ils se mettaient des pierres sur le ventre. Ils faisaient partie de Ahl Suffa, ceux qui étaient dans la mosquée, qui dormaient dans la mosquée, qui n'avaient ni lieu pour dormir, ni rien. Il a laissé sa tribu. D'ailleurs, il a laissé sa tribu, il a laissé son pays d'origine pour venir rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et apprendre le hadith. Apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprendre l'islam et le transmettre après lui. Radiallahu anhu. Donc, Abu Huraira radiallahu anhu s'appelle Abdurrahman ibn Sakh al-Dawsi. Al-Dawsi. Qui connaît un autre sahabi, compagnon qui vient de la tribu de Daws? Un prénom d'un compagnon illustre qui est de la même tribu qu'Abu Huraira. Qui a même été la cause de la guinée d'Abu Huraira. Qui connaît le nom? On ne le connaît pas. Il s'appelle Tufayl al-Dawsi. Tufayl. Qui est venu à la Mecque et qui avait peur d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est mis des cotons dans les oreilles pour pas écouter le Coran. Mais Allah a voulu sa guider. Puis il est entré en islam, il est retourné dans sa tribu, il les a appelés à l'islam, ils sont entrés en islam. Et parmi eux, Abu Huraira. Puis il est venu rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la transmettre. Donc Tufayl al-Dawsi a une part de récompense de tout ce que Abu Huraira radiallahu anhu a appris et a enseigné à la Ummah. Non. Donc Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui accomplit un acte dans lequel il m'associe à autre que moi, je l'abandonnerai, lui et son associé. Rapporté par l'imam Muslim. Allah tabaraka wa ta'ala est le riche, le puissant, qui n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin d'associés pour créer, pour gérer les choses, pour nourrir, pour protéger, pour guérir, pour rendre malade, tout ceci est dans les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah ta'ala n'a pas besoin d'associés pour créer, pour gérer, pour nourrir, pour diriger et pour posséder, de même, il est interdit de lui donner un associé dans l'adoration. Dans tous les actes d'adoration que l'on fait, que ce soit les prières, les jeûnes, les sacrifices, les nadr, le serment, les vœux pieux, comme il est dit, l'espoir, la crainte, la confiance totale, etc. Tout type d'adoration, que ce soit des adorations du cœur, de la langue, ou du corps ne doivent être voués qu'à Allah seul. Et c'est pour cela que celui qui donne un associé à Allah dans ses actes, Allah le laisse lui et son polythéisme. C'est-à-dire Allah n'accepte pas de lui son acte. Il le rejette. Cette associatrie peut être de l'associatrie mineure, comme l'ostentation. L'ostentation. Comme vouloir que l'on parle de nous, vouloir se montrer, vouloir faire parler de soi, qui annule l'acte en question. Même s'il y a une part dans cette intention qui est pour Allah. Par exemple, quelqu'un récite le Coran avec une belle voix pour Allah. Puis des personnes entrent et il embellit sa voix parce que des personnes entrent. Là, c'est pour qui ? C'est plus pour Allah. N'est-ce pas ? Il a embelli sa voix parce que des personnes entrent. Alors, Allah n'accepte pas de lui cette récitation. Allah n'accepte pas de lui de sa récitation. C'est pour cela que certains savants disent que parmi les signes de la sincérité d'un imam, d'une personne qui préside la prière, c'est qu'il prête autant d'attention à réciter correctement et clairement le Coran quand il lit à voix basse que quand il lit à voix haute. Par exemple, quand il lit à voix haute, s'il lit la Fatiha en 4 minutes, ou en 2 minutes, 4 minutes c'est long, en 2 minutes, et à voix basse, il la lit en 10 secondes, il y a un problème. C'est possible qu'à voix basse, il va la lire un peu plus lentement, parce qu'on va pas, il va pas allonger autant que la voix haute, mais la différence ne doit pas être aussi, un peu plus rapidement, mais la différence ne doit pas être aussi énorme. Donc, il doit se concentrer et donner de l'attention à la lecture de la Fatiha et des sourates à voix basse autant qu'à voix haute. C'est-à-dire il les lit lentement, verset par verset, comme il le fait à voix haute, en méditant les versets. Et non pas quand il fait à voix haute, mashallah, il prend son temps, un verset, lentement, il prend des pauses entre chaque verset, et à voix basse, comme un train. Ça, c'est un signe de manque de sincérité dans la lecture. Allahu musta'an. Dans ce hadith, il y a la mise en garde contre le polythéisme et l'associatrie sous toutes ses formes. Qu'elle soit majeure, c'est la pire, ou mineure, comme l'ostentation, ou vouloir parler de soi, ou autre. Et que cette associatrice, ce polythéisme est un obstacle pour que les actes soient acceptés par Allah. On tire de ce hadith l'obligation formelle de vouer tous ses actes religieux, ses actes de dévotion à Allah seul. Et que tous ses actes soient totalement purifiés de tout polythéisme. De tout polythéisme. Dans ce hadith, on tire comme leçon qu'Allah se suffit à lui-même, qu'il n'a besoin de personne. Et il y a aussi l'affirmation qu'Allah parle, la parole d'Allah. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associés. C'est-à-dire qu'Allah parle quand il veut, comme il veut, dans la situation qu'il veut. Il a parlé auparavant et il parle quand il veut, subhanahu wa ta'ala, et il a parlé avec les livres révélés, que ce soit la Torah, l'Évangile, les psaumes ou le Coran. Bien sûr, les livres révélés auparavant ont été falsifiés, mais dedans il y a des parties de la parole d'Allah, des parties des paroles humaines, mélangées, entre le vrai et le faux. Alors que le Coran, c'est la parole d'Allah seul qui a été préservé, car c'est le dernier message. Pour l'humanité, Allah a choisi et a voulu le préserver pour l'humanité, car il n'y a plus de message après celui-ci. À la différence des messages auparavant. D'autres messagers devaient venir après. Allah le savait. Donc par sa sagesse, il a voulu éprouver des adeptes de ces époques-là, des adeptes de ces prophètes, voir s'ils vont rester fidèles au message ou le falsifier. C'est une épreuve. Et voir aussi les suiveurs. Est-ce qu'ils vont suivre quand ils savent que leurs prêtres et leurs moines falsifient la parole d'Allah? Est-ce qu'ils vont leur obéir ou non? Donc Allah les a éprouvés avec cela. Par sa sagesse, il l'a voulu. Il a voulu leur laisser cette possibilité-là. D'obéir ou de désobéir. De falsifier ou de ne pas falsifier. D'être fidèle au message ou non. N'est-ce pas? Mais le Coran, comme c'est le dernier message, Allah a voulu le préserver authentique. Intouchable, impénétrable, infalsifiable. Mais des gens essayent. Malgré tout, ils essayent. Ils n'arrivent pas à falsifier ces mots, mais ils essayent de falsifier ses sens. Comme le Coran, on ne peut pas le falsifier dans ses mots, alors maintenant l'effort des ennemis de l'islam, c'est de falsifier ses sens. Comment? Déjà en éloignant les gens de la langue du Coran. Les gens ne maîtrisent pas la langue arabe, ils ne comprennent pas l'arabe, ils ne comprennent pas le Coran. Même les arabes ne comprennent plus l'arabe, ils ne comprennent que le dialecte. Donc ils ne comprennent plus le Coran. N'importe quelle personne vient leur dire « Oui, mais ce mot, il ne veut pas dire ça, il veut dire autre chose. » Ils n'ont pas les connaissances pour savoir si c'est faux ou vrai. N'est-ce pas? Donc, l'importance de connaître la langue du Coran. Pour comprendre le Coran. Comprendre la Sunna, comprendre les paroles des savants qui ont expliqué le Coran et la Sunna correctement. Donc ils essayent maintenant, le Coran est préservé, mais ils essayent de falsifier ses sens. Falsifier ses sens. En prenant des versets par exemple qui ont été révélés, puis qui ont été abrogés, pour faire croire par exemple que certaines choses sont permises. En disant que oui, mais regardez, ce verset, il prouve que telle et telle chose était permise à l'époque. Oui, elle était permise, puis Allah les a interdites. Pareil dans les hadiths. C'est pour cela qu'il ne convient pas n'importe quel novice ou personne qui n'est pas initié de prendre comme ça des versets, des hadiths et de les comprendre de lui-même. Sans savoir si ce hadith est déjà authentique ou non, ou ce verset, est-ce qu'il est abrogé ou non, ou quelle est la bonne compréhension de ce verset. Il y a des versets dans le Coran qui sont abrogés. Donc si la personne, elle le prend et le pratique comme ça, selon sa compréhension, il va pratiquer une religion qui n'a rien à voir avec l'islam. Par exemple, il y a un hadith authentique qui dit qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes et les femmes faisaient les ablutions ensemble. Voilà. On prend ce hadith maintenant. Quelqu'un prend ce hadith. Imaginez-vous aujourd'hui qu'est-ce qu'il va faire avec ce hadith. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hijab, il n'y a pas besoin de se cacher. Les hommes et les femmes peuvent faire les ablutions ensemble. Il est authentique ce hadith. Mais il a une compréhension. Quelle est cette compréhension? L'obligation du voile islamique a été révélée quand? 5e année de l'Hégire. Donc, avant la 5e année de l'Hégire, combien d'années sont passées et l'islam était enseigné, était pratiqué? Combien? 15 ans. 15 ans. Pendant 15 ans, l'islam était enseigné, des pratiques ont été faites avant que le hijab ne devienne obligatoire. Et pendant 5 ans, la prière était obligatoire et le hijab n'était pas obligatoire. Le hijab est devenu obligatoire avec la bataille de l'Ahzab, dans Sourate Al-Ahzab, la 5e année de l'Hégire. Donc, effectivement, il est fort possible qu'avant, les hommes et les femmes faisaient les ablutions ensemble avant que le hijab ne soit obligatoire. Ou bien, comme a dit Al-Hafiz Al-Nawawi, ce hadith s'applique pour les gens d'une même famille. Les hommes et les femmes d'une même famille faisaient des ablutions ensemble à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer qu'il n'y a pas de mal en fait à ce que les femmes elles utilisent la même eau que les hommes dans ce sens-là. Mais les gens malades aujourd'hui, ils vont le prendre, ils vont l'expliquer autrement, ils regardent les hadiths prouvent que la mixité, il n'y a pas de mal, que les hommes et les femmes peuvent faire les ablutions ensemble, ils peuvent même aller à la piscine ensemble. C'est comme ça, c'est les gens malades, c'est comme ça qu'ils en tirent, ils vont te prendre un hadith, ils vont en tirer des règles, n'est-ce pas? Donc, ça montre la gravité de s'approcher des textes sacrés religieux pour les personnes qui ne sont pas initiées, ou pour les personnes qui ne craignent pas Allah. Il y a des gens qui sont initiés, mais ils sont malades. C'est des gens malades du cœur. C'est-à-dire, ils utilisent que les textes qui vont dans le sens de leur passion. Mais il y a beaucoup de gens qui sont trompés par ces gens de l'égarement, parce qu'ils ne sont pas initiés, ou parce qu'ils écoutent n'importe qui, ou parce qu'ils laissent les réseaux sociaux les diriger à gauche et à droite sans faire attention. Ils écoutent tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. Et à la fin, ils s'étonnent qu'ils aient des doutes, surtout en islam. Si tu veux éviter d'avoir des doutes, préserve tes oreilles et tes yeux. Ne regarde et n'écoute que ce qui est sûr. Ne lis que ce qui est sûr. Les sources sûres. Et n'écoute que ce qui est sûr. Tu seras préservé de tout doute et toute maladie bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a ouvert une parenthèse en parlant que ce hadith prouve que la parole d'Allah, qu'Allah parle. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah préservée, qui n'est pas falsifiable. Et les gens ne peuvent pas le falsifier dans ses mots, dans ses sens plutôt, dans ses mots, mais ils peuvent essayer de falsifier ses sens. Ils peuvent essayer de falsifier ses sens, comme on l'a prouvé auparavant. Que ce soit avec le Coran ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le 19e hadith, le hadith al-tasi'u ashar, قال ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أخرجه الترمذي. عبد الله بن عمر fils de l'illustre compagnon calife de l'islam عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب radiyallahu anhu wa an abi rapporte, dit: on ne jure pas par autre qu'Allah, on ne jure pas par autre qu'Allah, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui jure par autre qu'Allah aura commis de la mécréance ou de l'associatrie. Le fait de jurer par quelque chose implique de le glorifier. Alors que la glorification en vérité n'appartient qu'à Allah seul. Il ne faut donc jurer que par Allah ou par l'un de ses attributs. Donc, jurer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit en dehors d'Allah ou de ses attributs, c'est un grand péché. Et c'est une parole de mécréance et de polythéisme mineur. C'est-à-dire, la personne qui le fait, il ne sort pas de l'islam en faisant cela. Mais il fait un grand péché, un grave péché. La preuve, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: jurer par Allah en mentant m'est préférable que jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Jurer par Allah en mentant m'est préférable que jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Cela ne veut pas dire qu'il autorise de jurer par Allah en mentant. C'est pour montrer le degré de gravité entre les deux péchés. Que le polythéisme est un péché plus grand que le grand péché de mentir. Mentir est un grand péché, mais le polythéisme est un péché plus grand. Donc il a voulu montrer en cela que celui qui jure par Allah en mentant a fait un péché, certes, mais moins grave que celui qui a juré par autre qu'Allah et il a dit la vérité. On tire de ce hadith qu'il est interdit de jurer par autre qu'Allah et que cela entraîne du polythéisme, de l'associatrie et de la mécréance. On tire de ce hadith que la glorification impliquée par le serment est un droit d'Allah seul, et qu'on ne doit donc jurer que par lui. On tire aussi de ce hadith que jurer par autre qu'Allah n'a pas d'expiation à part le repentir. À part le repentir, car rien d'authentique n'a été cité à cet égard. Le dernier hadith que l'on va voir ensemble aujourd'hui, le hadith de l'Ishroun, le 20e hadith de cette compilation de hadiths, عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. حذيفة رضي الله عنه rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: ne dites pas si ne dites pas Allah a voulu et un tel a voulu, mais dites plutôt Allah a voulu puis un tel a voulu. Le fait d'utiliser la conjonction et Allah a voulu et un tel a voulu revient à mettre cette personne à l'égal d'Allah, à le rendre équivalent à Allah. C'est pour cela que ou bien la personne dit Allah a voulu seul, ou bien Allah a voulu puis un tel a voulu. Parce qu'en disant puis, il y a un degré, c'est-à-dire on descend d'un degré. Allah puis, après la volonté d'Allah, un tel a voulu. À la différence de « et », surtout en langue arabe, cette signification et le fait de mettre au même rang est clairement compréhensible quand on utilise wa et quand on dit sha'allahu wa sha'a fulan, c'est comme on les a mis au même rang, comme si on les avait mis au même rang. C'est pour cela qu'on peut utiliser puis, car cela ne revient pas à les mettre au même rang et à les rendre équivalents. Tout ceci pour montrer encore une fois la sacralité, la grandeur, la vénération, l'amour que le serviteur doit avoir pour Allah. Et que cette sacralité, cette vénération, cette grandeur, cet amour, il ne doit pas les diriger vers un autre que lui. Et en vérité, quelqu'un n'atteint que les hauts degrés de la foi quand il arrive à aimer pour Allah, à détester pour Allah, à s'allier pour Allah, à prendre à partie pour Allah. Il aime les gens et les choses qu'Allah aime, et il déteste les gens et les choses qu'Allah déteste. Et il aime les gens selon les degrés de ce qui est aimé auprès d'Allah. Bien sûr, lui, il juge selon les apparences. L'intérieur, le fort intérieur des gens ne revient qu'à Allah. Mais s'ils voient en apparence chez quelqu'un que c'est une personne qui obéit à Allah, qui aime Allah, qui s'attache aux règles religieuses, qui a un comportement conforme à ce à quoi l'islam appelle, alors il l'aime pour Allah. Il l'aime pour Allah. Si par contre il montre tout le contraire, alors il le déteste pour Allah. Et c'est fort possible de joindre entre les deux, d'avoir pour quelqu'un et de l'amour et de l'aversion. De l'amour à mesure de sa foi et de son attachement à la sunna, et de l'aversion à mesure de sa perversité, de ses péchés et de son éloignement de la sunna. On tire de ce hadith qu'il est interdit de dire si qu'Allah a voulu et un tel a voulu, ou si Allah veut et si tu veux. Et d'autres paroles qui impliquent la coordination d'une créature et d'Allah par la conjonction et. Car ces paroles impliquent d'attribuer des égaux à Allah tabarak wa ta'ala. On tire de ce hadith la permission de dire Allah a voulu, puis tu as voulu. Ou bien ce qu'Allah a voulu, puis toi. Et d'autres paroles qui impliquent la coordination d'une créature et d'Allah avec puis. Car cela ne contient pas l'interdit et cela ne met pas la créature au même niveau et à égalité avec Allah tabarak wa ta'ala. On tire de ce hadith l'affirmation de la volonté à Allah, que c'est-à-dire Allah a une volonté, et que le serviteur a une volonté, qu'Allah a créée en lui. Et que la volonté du serviteur, elle est sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire Allah a voulu qu'il ait une volonté, et ce serviteur a une volonté, c'est d'ailleurs pour cela qu'il choisit entre le bien et le mal, et qu'il sera récompensé ou châtié, car il a une volonté propre à lui. Il a une volonté propre à lui. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ » Que celui qui veut croit, et que celui qui veut mécroit. C'est-à-dire, vous avez le choix de prendre le bon ou le mauvais chemin. Cela ne veut pas dire que la personne est libre de ne pas croire. Non. Normalement, tout le monde est obligé de croire. S'il ne croit pas, il le fait de son choix, Allah, il le punira. Mais dans cette vie, il a le choix. Il a le choix de croire ou de ne pas croire, de suivre le bon ou le mauvais chemin. Et il sera rétribué en fonction de ses propres choix et de sa propre volonté et de la mise en pratique de cette volonté, c'est-à-dire des actions qu'il aura accompli ou délaissé. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous permette d'être parmi les gens de la droiture et qu'il nous pardonne nos manquements. Wallahu ta'ala ala wa a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.